2. Quand tout commence, je viens d'avoir 20 ans. Je débarque de la caravelle Swissair à l'aéroport de Zurich. J'arrive de Paris, missionné par un éditeur de la rive gauche qui m'a commandé une série d'aquarelles de paysages alpins. Je dois éviter la tonalité carte postale. On attend de moi du grandiose à la limite de l'angoisse existentielle. Ce sont les propres mots du patron. Comme beaucoup d'éditeurs, il use et abuse de concepts abscons à la façon d'un ivrogne se gargarisant à la listerine. Bon, c'est toujours du boulot et je ne crache pas dessus. Je débute, je ne peux pas faire la fine bouche. Je ne compte à mon actif que 2 expositions dans des galeries du Quartier Latin, expos qui m'ont valu de superbes critiques et 4 points rouges. Je suis jeune, plutôt jolie, j'ai la pêche. La vie se présente à moi comme une grosse part de gâteau dans laquelle je vais mordre à pleines dents. Je suis conne. Je ne sais pas encore que dans peu de temps je vais m'en prendre plein la tronche. Je débarque donc en Suisse. Je dois me taper le parcours habituel. Stadt, Saint-Maurice, Pont-Résina. Les massifs, les pistes de ski, les téléphériques. Je n'aime ni la neige ni la montagne. Trop blanc, trop grand. L'immensité me désoriente. Je serais plutôt fascinée par le détail. L'intimité des objets examinés à la loupe. Autour de moi, les gens inspirent à s'en faire péter les poumons l'air glacial des sommets. Ils s'en déclarent purifiés, rajeunis. Moi, je me sens écrasé, laminé. Je me fais l'impression d'une souris égarée dans un grand magasin au milieu du piétinement des acheteurs, à l'époque des achats de Noël. Je suis à 2 doigts de déclarer forfait quand je rencontre Russell Holding. Du moins est-ce ainsi qu'il se fait appeler en ce moment de sa vie. C'est un peu la star de la station. Un guide de haute montagne avec, à son palmarès, plusieurs sommets prestigieux. Ici, on dit face nord, sud ou ouest. On parle de difficulté 7 ou 8. Un jargon d'initié échangeant ses formules magiques à mi-voix avec des hochements de tête conséquents. Je m'attendais au moniteur typique, prétentieux, dragueur, roulant des mécaniques. Grosse erreur, Russ ne correspond pas au cliché du jeune coq hantant les stations de sport d'hiver. Il est distant, renfermé, d'une amabilité professionnelle, pas davantage. Paradoxalement, alors même qu'il devrait rassurer sa clientèle, il émane de sa personne une aura de danger, de menace diffuse. Il fait plus soldat que sportif. Il accepte très peu de courses et uniquement en compagnie de grimpeurs brevetés. Il a une réputation de glaciériste de première force. Bien évidemment, je suis subjuguée. J'ignore encore qu'il sera le père de Mickey, ma fille, et cela contre ma volonté. Je ne suis pas de ces jeunes femmes qui planifient leur avenir à long terme. Je vis l'instant présent, ma seule philosophie, éviter tout ce qui pourrait m'empêcher de peindre. Cette règle d'or, je suis justement en train de la transgresser, mais je ne m'en doute pas encore. Je n'ai qu'une envie, me fourrer au lit avec ce bel animal. Quand je vois les muscles de ses cuisses distendre la toile de son pantalon, je deviens folle. Je suis sur le point de commettre la première grosse bourde de mon existence. La seconde étant, bien sûr, ma rencontre avec Sawana Warlock. Mais n'anticipons pas, comme disaient les feuilletonistes au XIXe siècle. Mes parents étaient musiciens professionnels, concertistes. Cramponnés à leur violon, ils parcouraient l'Europe au sein d'un orchestre prestigieux. Leur grand drame a été de découvrir que je n'avais aucune oreille et que j'étais incapable de différencier un si d'un do. Je crois qu'ils ont aussitôt cessé de m'aimer. Pour ma mère, c'était comme si elle avait accouché d'un poisson-chat. Nous n'étions pas de la même espèce. Dès lors, j'ai navigué de nourrice en pensionnat. Je n'en ai pas réellement souffert. Le crin-crin de leur violon me rendait folle. Quand on entend jouer pour la 74e fois en une heure la même phrase musicale, on se sent des envies de meurtre. je les voyais très peu, toujours en tournée. Que voulez-vous? L'art, la religion de la musique. Ils ne me manquaient pas, ils sont morts, accident d'avion, la moitié de l'orchestre dégommée d'un coup. La surveillante générale du pensionnat est venue m'annoncer la nouvelle le jour de mes premières règles. Curieux, non? Quelques jours plus tard, un notaire m'apprend que l'argent de mon héritage a été placé de manière à générer des intérêts. Pas question d'y toucher avant ma majorité. On me présente un inconnu, Gérald Étienne Marie de Cotsanova, qui sera mon tuteur légal. Un vieux type avec une bonne bouille. Un ami de mes parents qui, eux, n'avaient aucune autre famille because la guerre. Gérald, très vite, je l'appellerai Gozzo. Il est artiste peintre et souffre de 36 maladies indéfinissables. Il me répète qu'il n'est pas certain de survivre jusqu'à ma majorité, mais qu'il fera son possible. Il est sympa et drôle avec sa tête de vieux chien. Ses joues toutes molles sont hérissées de poils blancs qui le font ressembler à un cactus. C'est un vieux rapin qui a brûlé la chandelle par les deux bouts et culbuté une pleine armée de modèles. Il m'annonce tout de suite la couleur. Je n'ai rien à craindre, son petit escargot ne peut plus relever la tête, encore moins sortir ses cornes. Il ne s'intéresse qu'à la peinture. Il va essayer de me transmettre ce qu'il a réussi à apprendre en 60 ans de pratique. C'est là que ma vie bascule, que ma vie commence. Je m'émerveille en réalisant que je suis douée pour ça. Jamais je n'aurais cru que... De temps à autre, entre deux leçons, Gozzo me demande de poser nue. C'est son petit plaisir et ça ne me gêne pas. Il peint des trucs très 19e siècle. À la limite du pompier, avec des angelots, des dauphins souriants, des séraphins qui jouent de la trompette, et moi, bien sûr, à poil au milieu de cette ménagerie. Il est super doué pour imiter les grands maîtres. Il y a du faussaire en lui. Il s'amuse à me peindre à la manière d'eux. Tout y passe. Rembrandt, Velasquez, De Vinci. « Tu brûleras tout ça quand je serai mort, » me répète-t-il. « Ne les montre jamais, ça te porterait préjudice. » Le pauvre, il ne sait pas encore que bientôt je n'aurai besoin de personne pour me porter préjudice. J'y arriverai fort bien toute seule. La première fois que je repère l'ombre à la fenêtre, c'est à Paris. Je fais une expo dans la galerie de Moon Jessup, au quartier latin rue des Saints-Pères. Depuis un an, je travaille selon les techniques des miniaturistes de la Renaissance que m'a enseigné Gozzo. Loupe d'horloger vissée à l'œil, pinceau minuscule. J'adore cette précision qui confine au vertige, à l'hallucination. Gozzo me répète, il faut qu'on ait l'impression que ça a été peint par des gnomes lilliputiens. Il faut créer l'illusion d'un tour de force impossible. J'aime ça, ce défi constant. J'arrive à une finesse délirante dans le détail. Moon, la galériste, m'a prévenu, ce n'est pas ce que les acheteurs cherchent en ce moment, pas dans l'air du temps. Elle mise néanmoins sur l'aspect prodige technique. La curiosité. Elle répète que ça peut créer l'événement durant 3 semaines, mais pas au-delà. En clair, ça signifie qu'elle ne m'exposera plus. Je l'ai déçue. Le soir du vernissage, le petit peuple des intellos déguisés en crasseux chics et leurs amis les bobos fait la moue. Aucune toile ne les branche. Ils n'aiment que l'abstraction, ou alors les grosses provoques. L'artiste qui expose des flacons remplis de sa pisse, ou encore les slips non lavés qu'il a portés l'année de son 3e divorce. Ce genre de conneries fait fureur aux Amériques et commence à contaminer l'intelligentsia française. Il est encore très tôt quand la galerie commence à se vider, c'est l'échec cuisant. Pas un seul point rouge. Moon me bombarde de regards haineux. Elle calcule déjà mentalement le fric qu'elle vient de claquer en pure perte. C'est alors que je remarque la femme, embusquée derrière la vitrine sur le trottoir, enveloppée par la nuit d'hiver, et toute corsetée dans un manteau gris-souris aux allures d'uniforme Vaupeau. Note de l'auteur. Volkspolizei, garde assurant l'étanchéité entre Berlin-Est et Berlin-Ouest à l'époque du rideau de fer. Fin de note. Immédiatement, elle me fait penser à une espionne du KGB. Le visage quelconque à la limite de la laideur, les petits yeux très écartés au regard fixe. Je me rends compte qu'elle est plantée là depuis le début des festivités, sans bouger d'un millimètre. Une vraie statue, une sentinelle. Ses cheveux tirés en chignon accentuent son apparence de gardienne de prison. Pourtant, elle n'est pas vieille. 3 ou 4 ans de plus que moi. Aucune ride, une physionomie sculptée dans un morceau de savon rose, lisse. Tout à coup, elle bouge, franchit le seuil de la galerie et marche 3 sur Moon. L'échange est bref. À l'expression de la galériste, je comprends qu'il se passe un truc pas ordinaire. Les deux femmes s'isolent dans le petit bureau attenant à la salle d'exposition. Puis l'inconnu s'en va d'un pas militaire, sans même me saluer, alors que je suis rigoureusement seule au milieu de la boutique, le dernier invité venant de prendre la fuite tête basse. Moon émerge perturbée. Elle brandit un chèque et m'annonce que l'étrange visiteuse vient d'acheter la totalité des toiles exposées. Puis, d'une voix haletante, elle ajoute « Tu ne devineras jamais, ce serait Sawana Warlock, la reine du polar. Tu lui as tapé dans l'œil. » À l'époque, j'ignore de qui il s'agit. Je ne lis jamais de romans policiers, uniquement de la poésie chinoise ou persane. Je reste circonspecte. Cet emballement me paraît bizarre, j'ai peur de me retrouver embarquée dans une histoire glauque, avec une lesbienne pleine aux as qui aurait davantage flashé sur moi que sur mon travail. Beaucoup de gens friqués s'imaginent qu'ils peuvent se payer un artiste comme on achète un chiot. On devient alors leur toutou condamné à peindre ad vitam et aeternam, des portraits de famille qui les embellissent au-delà de toute vraisemblance. Moon m'apprend que Sawana veut me rencontrer. Elle est descendue dans un petit hôtel du quartier, un établissement peu en accord avec sa surface financière. Je m'en étonne. Moon élude le problème. C'est là que vivaient Ernest Hemingway dans les années folles. Tu connais les Américains. Dès qu'ils peuvent se trouver un semblant de racine européenne, elle doit s'imaginer que c'est une annexe de l'Algonquin. Je ne suis pas convaincue. Je passe une mauvaise nuit. Gotsu est très malade. Cette fois, c'est la fin. Il m'a fait lire son testament. Il me lègue l'atelier et les dépendances qui nous servent de logement. Je suis tout juste majeure. Je vais donc pouvoir toucher mon héritage, mais je ne me fais aucune illusion. Il n'y aura pas de quoi entretenir une écurie de course. À peine puis-je espérer vivoter 5 ou 6 ans en mangeant des nouilles. Le matériel de peinture coûte une fortune. Ce sera ma ruine. La part rétrocédée par la galerie sur la vente de mes œuvres me permet de régler les factures en retard, l'ardoise monumentale des tubes de couleur. Gotso refuse de se rendre à l'hôpital. Il veut mourir chez lui, dans son atelier. Le médecin ne me laisse guère d'espoir. « Il n'y a rien à faire, soupire-t-il sur le pas de la porte. » Il est vieux, c'est tout. La machine est usée, elle va tomber en panne. C'est la vie. Au point où il en est, il n'y a plus rien de réparable. Il me fait penser à un technicien désabusé qui me conseillerait d'acheter un téléviseur neuf. Le lendemain, ma décision est prise. Je me rends au rendez-vous fixé par l'américaine. J'y vais les mains dans les poches, sans même faire l'effort de passer par la librairie internationale pour me procurer l'un de ses romans. Je n'ai jamais eu l'esprit courtisan. Cela m'a valu bien des déboires durant mes années de pensionnat. Je suis encore à un âge où l'on croit dur comme fer à la vertu du « ça passe ou ça casse ». Lorsque j'arrive devant l'hôtel, obéissant à un mouvement instinctif, je lève les yeux. Au 3e étage, je distingue une ombre derrière l'une des fenêtres. J'ai aussitôt la certitude que c'est la grande romancière qui m'observe et qu'elle est plantée là depuis l'aube, à guetter la rue, telle une sentinelle sur son chemin de ronde. L'hôtel est propre mais banal. Le réceptionniste m'annonce sans hâte excessive. Il a l'air d'ignorer qu'il abrite dans ses murs une star mondiale du roman populaire. Je monte. Sawana m'accueille sans un sourire. Elle est exactement habillée comme la veille, du même manteau à la coupe militaire, à croire qu'elle a dormi avec. Du reste, a-t-elle seulement dormi? De près, je me rends compte que nous devons avoir le même âge. Seule sa façon de se vêtir et de se coiffer l'a vieillie à l'excès. Elle s'excuse de ne pouvoir s'exprimer en français. Je la rassure, mon anglais est très correct. Elle me prie de m'asseoir, mais reste debout. Il fait sombre dans la chambre où aucune lampe n'est allumée. La pénombre gris-pigeon de l'automne parisien gomme les détails, aplatit les formes. Sawana m'explique qu'elle souffre du froid car elle est acclimatée au désert. Elle habite une vieille maison bâtie au bord d'un lac artificiel. Elle supporte sans mal des chaleurs excessives. 58 degrés à l'ombre, parfois davantage. La locataire de l'enfer typique. Elle parle lentement, entrecoupant chacune de ses phrases de longs silences, à la manière de ces vieillards qui souffrent d'absence ou peinent à ordonner leurs pensées. Je suis mal à l'aise, taraudée par l'envie de prendre la fuite. Cette bonne femme me fait peur. Pour rompre le silence, je dis bêtement « Je suis heureuse que mes peintures aient retenu votre attention. »« C'est votre style qui m'intéresse, lâche-t-elle. » Pas le sujet des tableaux, votre science du détail, l'hyperréalisme de la facture. C'est cela que je recherche pour mes illustrations de couverture. Je veux vous prendre sous contrat d'exclusivité. Vous n'aurez de compte à rendre qu'à moi-même. Vous signerez une clause de confidentialité impliquant que seuls vous et moi aurons le droit de voir vos peintures avant qu'elles soient acheminées à l'imprimerie. Je serai votre unique employeur et je vous rétribuerai sur ma cassette personnelle. Mon éditeur n'aura pas son mot à dire. Vous renoncerez à prendre un agent. Cela vous semble-t-il acceptable? Comme je reste muette, frappée de stupeur, elle ajoute « Sachez que je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. Je prendrai votre entretien à ma charge, loyer, achat de matériel, vêtements, santé, loisirs. Je réglerai toutes vos dépenses et celles de votre famille s'il vous prend l'idée saugrenue de vous marier et d'avoir des enfants. Si nous signons ce contrat, je deviendrai votre mécène au sens où on l'entendait jadis. Vous voulez dire un prince ou plutôt un dieu jaloux? Ai-je trouvé la force de riposter ? Exactement, a confirmé Sawana sans paraître saisir la plaisanterie. Je suis éberlué. Mon premier réflexe est de l'envoyer promener. Puis je pense à Gotso. Le fric de cette cinglée pourrait lui rendre la mort plus douce. Vous ne travaillerez pour personne d'autre, insiste Sawana qui me devine hésitante. Je vous engage pour 10 illustrations, ce qui représente environ 5 ans de labeur. Je dois cependant vous avertir que vous ne vous tournerez pas les pouces. Il est possible que je vous demande de recommencer 10 fois la même peinture, voire davantage, car je suis perfectionniste et j'ai une idée très claire de ce que je veux. Je fais valoir que je travaille lentement, que la technique de la miniature n'a rien à voir avec l'art abstrait et ces peintres qui se contentent de balancer des seaux de pigments à la volée sur une toile vierge. Elle me dit sèchement qu'elle sait tout cela. Pendant l'entretien, elle conserve les mains dans ses poches. Sa petite bouche d'enfant se crispe régulièrement en une vilaine grimace qui achève de l'enlaidir. Elle a quelque chose de l'adolescente montée en graines, d'une fillette mal vieillie. Je ne vous interdirai pas de poursuivre des travaux personnels, pourvu qu'ils n'entretiennent aucun rapport avec les illustrations que vous concevrez pour mes livres, édicte-t-elle. C'est la condition sine qua non de notre collaboration. J'ai préparé un avant-contrat. Montrez-le à votre avocat avant de prendre une décision, mais sachez que je n'en modifierai aucun article. Vos œuvres m'appartiendront et j'aurai le droit d'en faire ce que bon me semble, ce qui implique la liberté de les détruire. Ah, encore une chose, vous n'aurez pas le droit de les signer. Sur l'instant, je juge inutile de pousser les hauts cris. Ne pas signer ou jeter au feu des illustrations de romans de gare ne me semble pas relever de l'hérésie artistique majeure. Je suis surtout hypnotisée par le montant des rétributions prévues. C'est très au-delà de ce que j'aurais imaginé. Sawana Warlock a donc le cul cousu d'or? Ça rapporte si gros les historiettes de gendarmes et de voleurs? Faut croire. Je quitte l'hôtel, le contrat sous le bras, sachant déjà que je ne consulterai pas Moon Jessup à propos de la validité de ce traité hautement abusif. J'ai conscience que je m'apprête à signer avec le diable et que je risque d'en baver. Tant pis. Il me faut assurer la matérielle, comme on dit dans le milieu artistique. Je vais me livrer pieds et poings liés à une reine barbare, probablement toquée. Mais à cette seconde, je m'imagine assez forte pour supporter les contraintes qu'elle m'imposera. Je me nourris d'illusions. Je viens de mettre le doigt dans un engrenage qui va me broyer 10 années durant et dont je ne sortirai pas indemne. Un mois plus tard, Gotso meurt dans son sommeil. Je suis effondrée. Il a exigé par testament d'être incinéré. Je dois, ensuite, récupérer ses cendres, les mélanger à des pigments et utiliser ses couleurs pour peindre son portrait. J'obéis. Hélas, ma main tremble et le tableau est raté. Les pigments gâtés par la cendre s'émietteront au fil des années, si bien que le visage de Gotso finira par se détacher de la toile. Mon vieux maître ne passera pas à la postérité. Afin de ne pas sombrer dans la dépression, je décide de m'exiler en Suisse. Je loue un chalet coincé entre une Abfahrt et un Selman, autrement dit une piste de ski et une ligne téléphérique. C'est une grande bâtisse dans le style Hautes-Alpes, très kitsch, bourrée de peaux de chèvre, de têtes de mouflons empaillées et d'antiques luges transformées en tables basses. Le ringard puissance 10. Je m'en fous. Au moins ici, rien ne me rappelle Gotso. Ce qui devait arriver se produit. Alors que je m'encourdis à l'eau-de-vie de cerise, je tombe nez à nez avec Russell, l'escaladeur des sommets inviolés, le dieu des cimes aux cuisses d'acier. Cette fois, aucune échappatoire n'est envisageable. Je lui saute dessus et nous enchaînons les nuits torrides devant le feu qui ronfle dans la cheminée, dans le plus pur style carte postale, à suer de concert. Je découvre que j'aime baiser. Une surprise de taille, sans mauvais jeu de mots. Je bois dès le réveil pour anesthésier la douleur que me cause l'absence de Gotso. Comme j'estime que Russell et moi n'avons aucun avenir ensemble, j'évite de lui poser des questions. Cela semble lui convenir à merveille. C'est un drôle de type, au physique irréprochable mais constellé de cicatrices. Certaines sont, de toute évidence, des blessures par balles. Il prétend avoir fait 2 séjours au Vietnam en tant qu'artilleur, sans jamais s'étendre sur le sujet. Il est rapide, silencieux, doué de réflexes surprenants et toujours aux aguets. Il réagit au moindre bruit, comme un chat. Ses yeux vont et viennent, balayant sans cesse son champ visuel. Ces particularités constituent un puzzle bizarre et vaguement inquiétant, auquel j'ai décidé de ne pas réfléchir. J'ai dans la tête que c'est peut-être un déserteur nanti de faux papiers qui fuit la police militaire. Je ne peux lui reprocher de s'être éclipsé de la grande boucherie vietnamienne qui fait la fortune des marchands de canons et contribue à l'essor économique des États-Unis. On raconte que beaucoup de jeunes hommes sont dans le même cas et se planquent au Canada, pays qui ne pratique pas l'extradition. J'ai été imprudente. Un jour, je prends conscience que je suis enceinte. En Suisse, il me serait facile d'avorter, mais je ne parviens pas à me décider. Je ne sais pourquoi. La peur de la solitude, sans doute, l'illusion que je saurais mieux aimer ce bébé que mes parents ne m'ont aimé. Je n'exigerai pas de lui qu'il sache jouer du violon ou manier le pinceau. Je ne lui reprocherai jamais d'être un bon à rien. Promis, juré. Comme au sans doute, je ne tiendrai pas cette promesse. C'est alors que Sawana se manifeste en pleine nuit par un coup de fil longue distance en provenance de Californie qui me réveille à 3 heures du matin. J'avais fini par oublier son existence et le contrat que j'ai signé avec elle pour emmerder Moon Gessup, ma marchande de tableaux. Sawana me dicte ses instructions. Un flot de détails extravagants que je dois noter à la vitesse d'une experte en sténo. Sa diction trop rapide me suggère qu'elle est en plein trip d'amphétamine. La voix atone, énumère. La pièce, chambre d'hôtel luxueuse à l'européenne. Un canapé blanc 3 places, lampe en cuivre, pied représentant une sirène. Sur la table basse, un cigare à demi fumé dans un cendrier d'albâtre. Un journal avec en gros titre « Un cadavre de femme repêchée ». Suite illisible, cachée par un chapeau masculin style feutre à bord roulé. Une femme en robe moulante, debout devant la cheminée, expression terrifiée. Blessure sanglante sur la joue droite d'environ 10 cm en forme de V. Elle regarde hors champ quelqu'un qu'on ne distingue pas, mais dont l'ombre menaçante se dessine sur le tapis. L'ombre, difforme, laisse supposer que son propriétaire a été amputé de 3 doigts à la main gauche. Auriculaire, 1 phalange. Annulaire, 2 phalanges. Index, 1 phalange. Plus son débit s'accélère, plus la description prend l'allure d'une loguerie descriptive accumulant des détails techniquement impossibles à reproduire sur la couverture trop exiguë d'un livre de poche, telle la bague affichant la marque du cigare ou encore un numéro de téléphone gribouillé dans la marge du journal. Sans oublier le contenu d'une petite annonce d'une 10aine de lignes au libellé énigmatique, violoniste borgne cherche partition en do majeur de la cantate dite du Lys crucifié, etc. L'espace d'une seconde, je me demande si je suis victime d'une plaisanterie, d'un bizutage. Toutefois, j'imagine mal Sawana se livrant à ce genre de fantaisie. Elle s'interrompt brusquement avant de déclarer « Je vous envoie confirmation par Telex. Mettez-vous à l'ouvrage sans tarder, j'attends vos premières esquisses pour entamer le travail d'écriture. J'ai besoin de ce support visuel pour fonctionner, mettre en marche mon imagination. » Et elle raccroche. Je l'ignore encore, mais je viens d'entrer au bagne. Le calvaire ne fait que commencer, il durera 10 ans. Je suis enceinte de 6 mois. Mon ventre me gêne lorsque je m'installe à la table à dessin. Les semaines se succèdent, complétant peu à peu le chemin qui me sépare de l'accouchement. J'essaie de ne pas y penser. Les exigences de Sawana, qui me prennent la tête, me sont d'un grand secours en ce domaine. Nous communiquons par lettre et par téléphone. J'échoue régulièrement à lui faire comprendre qu'il est impossible de faire figurer sur un tableau les détails microscopiques dont elle m'inonde. Je commence à m'interroger sur sa santé mentale. Elle reste sourde aux arguments rationnels. J'ai l'impression que cette obsession de l'hyperréalisme est symptomatique d'une perte de conscience du réel. Une sorte de compensation par laquelle elle tente de retarder le naufrage de son esprit. Mes peintures sont sa bouée de sauvetage. Quand je ne satisfais pas à ses caprices, elle pique de violentes colères et m'insulte. Si des milliers de kilomètres ne nous séparaient pas, je crois qu'elle m'arracherait les yeux. Elle n'a guère apprécié l'annonce de ma grossesse. Elle considère que c'est une perte de temps et qu'un bébé va me distraire de la tâche essentielle pour laquelle j'ai été engagée. Elle m'a suggéré de l'abandonner à la naissance ou de le confier à une famille en mal d'adoption. Elle a même proposé de m'en dénicher une présentant d'excellentes garanties où l'enfant serait heureux. Nous autres artistes, m'a-t-elle fait valoir, ne sommes pas faits pour ce genre de choses. Rien ne doit nous distraire de notre tâche. J'ai failli éclater de rire. Merde, quoi. Elle écrit des romans policiers. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Que le monde s'écroulera si elle émet de gribouiller une énième aventure criminelle? J'ai ravalé mon ricanement parce que j'ai peur d'elle. Je l'avoue sans fard. Je suis rassurée de la savoir de l'autre côté de l'océan, retranchée dans le manoir gothique, triomphe du mauvais goût américain dont elle m'a expédié des photos. « Tu es en train de devenir son esclave », a déclaré Russell, désabusé. « Elle te fait marcher à la cravache. » « Il a raison, mais ai-je le choix ?» Sawana tient ses engagements. L'argent m'est livré régulièrement. Toujours en liquide, sous forme de liasse à l'effigie de Benjamin Franklin. J'ignore pourquoi elle n'utilise pas le système des virements bancaires. Encore une de ses manies. Je ne proteste pas. Cela me permet de ne rien déclarer aux impôts. Quant à Russell, il est là sans l'être. Nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Notre histoire était affaire de peau, de lit, de sexe. Une fureur qui a fini par s'étouffer. Il vient parfois passer une semaine au chalet, puis disparaît à moi. Je ne lui demande rien, quelque part cela me convient. Ce qui me gêne davantage, c'est l'attention qu'il porte au bébé, comme si je n'étais qu'un emballage dont il compte bien se défaire une fois le cadeau déballé. Je suis parfois soulagée de le voir partir en expédition à l'autre bout de la planète. Il prétend avoir été engagé pour guider une cordée sur je ne sais quel sommet de force 10. Il m'assomme alors de détails techniques dont je me fiche éperdument. Il en fait trop d'ailleurs, et je le soupçonne de se livrer à un quelconque trafic sous couvert d'alpinisme. Comme par hasard, ces voyages ont toujours pour point de chute des pays déchirés par les convulsions de guerre intestine où rebelles et escadrons de la mort s'affrontent à grands coups de génocide qui font sangloter les instances internationales. Russell les fournit-il en armes, en explosifs? Joue-t-il les mercenaires ou les conseillers techniques? J'ai décidé que cela ne me regardait pas. Chacun ses problèmes, et j'ai trop à faire avec Sawana qui, à tout moment, peut jaillir de sa cage pour me mettre en pièces. Finalement, il fallait bien que cela arrive, je finis par accoucher. C'est une fille. Elle s'appellera Michelle Annabella Katz. Russ est quelque part en Asie du Sud-Est, tant mieux. Je n'ai aucune envie de le voir débarquer à la maternité. Tandis que je repose dans mon lit, fixant le plafond, j'élabore des stratégies débiles pour ne pas informer Sawana de la naissance du bébé. Je caresse fugitivement l'idée de lui annoncer qu'il est mort-né, mais une crainte superstitieuse m'interdit d'opter pour cette solution. Je ne sais pourquoi, je suis hantée par l'angoisse irrationnelle que Sawana s'en prenne à ma fille. Je l'imagine engageant des hommes de main pour la kidnapper, afin que je puisse me concentrer sur le travail qu'elle attend de moi. Je vais même jusqu'à me faire un film, dans lequel Mickey est retenue prisonnière dans le grenier du château gothique de Sawana, où elle grandit dans la pénombre, seule et terrifiée, avec pour compagnon de jeu les rats qui l'entourent. Quand Sawana n'est pas satisfaite de mon travail, elle grimpe dans les combles et s'acharne sur la gosse à coups de ceinture. Bref, je deviens barjot. Mais, en cette occasion, je mesure à quel point la relation qui m'unit à ma patronne est malsaine. De retour au chalet, j'oublie sciemment de prévenir Sawana de la naissance de Michel et j'engage une nourrice à demeure. Les années filent, me tenant rivée à la table à dessin, captive d'un travail acharné qui muse les nerfs et les yeux. Je commence à craindre de finir aveugle. L'usage constant de la loupe d'horloger m'occasionne d'affreuses migraines ophtalmiques. Pas moyen d'y couper. Sawana est devenue de plus en plus exigeante quant aux détails. Je n'ignore pas qu'elle scrute chacun de mes tableaux pour s'assurer que je n'ai omis aucun des objets figurant dans l'inventaire et que je leur ai bien donné la forme et l'emplacement exigés. Souvent, les illustrations me sont retournées, zébrées de traits rouges, telles de mauvaises copies corrigées par un professeur irascible, et je dois recommencer. C'est un travail harassant. Je suis inquiète car, à force de me crisper sur le pinceau, j'ai contracté une inflammation des articulations nécessitant des injections de cortisone très douloureuses. Je suis terrifiée à la perspective de perdre la précision chirurgicale sans laquelle il est impossible de peindre la moindre miniature. C'est à cette époque qu'un copain sculpteur installé à Lausanne va me procurer des substances opiacées dont je vais devenir dépendante. Je ne puis hélas faire autrement. À force de rester courbée sur ma table à dessin, je souffre désormais du dos, des reins et des vertèbres cervicales. Le matin, je me fais l'effet d'une vieille femme impotente, déchirée de rhumatisme. Les liasses de banque-notes continuent de m'être livrées chaque mois. J'ai peu à peu renoncé à tout travail personnel, car les illustrations de Sawana sont chronophages en diable, et je suis trop fatiguée pour envisager autre chose. Je ne quitte plus guère l'atelier. Pendant ce temps, Mickey grandit. Russell me l'a confisqué, d'autorité. Il a fait de la gosse sa propriété exclusive, et je n'ai plus assez d'énergie pour lui disputer ce trophée. L'usage des drogues a fortifié en moi une tendance à la paranoïa dont je ne puis dire si elle est ou non justifiée. Je vis dans la crainte constante que s'abatte sur nous la colère de Sawana. J'en viens à voir des menaces partout. Je la soupçonne de nous avoir placés sous surveillance. Ainsi, notre voisin n'est-il pas un espion chargé de nous punir si je ne donne pas satisfaction? Combien de temps Mickey sera-t-elle en sécurité? Tant que son père est dans les parages, le danger est tenu à distance. Mais qu'en sera-t-il lorsqu'il partira une fois de plus à l'autre bout du monde? Je sais qu'il lui apprend à se défendre, car il m'arrive de capter les échos de leur conversation par la fenêtre de l'atelier. Il est en train d'en faire un garçon manqué. Mais pourquoi pas, après tout, si cela la rend plus forte? Elle se détache de moi, je le sens. Elle voit en sa mère une somnambule aux nerfs fragiles qui explose en invectives pour des peccadilles. Elle n'a pas tout à fait tort. Russell ne met d'aucun secours. Je ne suis qu'un élément du décor. Il a tout misé sur sa fille. J'ai joué le rôle de la fusée porteuse. À présent que le satellite est placé sur orbite, je peux m'abîmer dans l'océan et m'enfouir dans la vase des grands fonds. Le dégoût m'envahit, me poussant aux conneries. Je me mets à fréquenter une sale petite bande d'artistes partousards. J'ai besoin de m'étourdir, d'oublier la menace. Ma fille me méprise. Je fais des efforts surhumains pour ne pas éprouver de la rancœur à son égard. Je ne suis pas certaine d'y parvenir. A-t-elle seulement conscience que si je ne me tuais pas à la tâche, nous serions à la rue, car son père n'a jamais ramené une thune à la maison. Bon. Je ferais mieux de me taire, voilà que je déconne encore. Je décide de me ressaisir et de mieux connaître mon ennemi. Je descends à Lausanne me procurer l'intégralité des romans de Sawana Warlock à la Librairie internationale. Je m'attelle à leur lecture. Les textes me paraissent glauques, nauséabonds, en un mot, sataniques. Souvent, pendant que je lis, j'éprouve le sentiment désagréable qu'on m'observe. Je relève alors la tête pour regarder en direction de la fenêtre. Chaque fois, je m'attends à surprendre Sawana, le nez collé au carreau, qui me scrute de ses petits yeux à la fixité animale. Cela prend la dimension d'une crainte superstitieuse, à tel point qu'il m'arrive de fermer les volets en plein jour. Visitant une librairie spécialisée, je m'aperçois que les œuvres de Sawana ont généré une littérature critique parallèle véhiculée par une multitude de petits journaux d'amateurs nommés fanzines. J'en achète une pleine brassée. Le libraire, un jeune homme précocement chauve aux lunettes en cul de bouteille, me félicite de mon choix, comme si je venais d'entrer dans une confrérie secrète. Derrière lui, agrandi et encadré format 50/70, trônent les couvertures qui m'ont coûté tant de peine. Je constate que le travail de reproduction est bâclé, masquant la plupart des détails que je me suis échigné à fignoler. J'enrage. Je demande à voir les romans importés des États-Unis. Ce n'est pas mieux. Mais pourquoi s'en étonner? Il s'agit de romans de gare, pas d'ouvrages d'art. L'imprimeur ne s'est pas foulé. Quant à l'éditeur, il a jugé inutile de jeter des perles aux cochons de lecteurs. Je soupçonne Sawana de vouer une sorte de fétichisme à ses peintures, comme si elles avaient pour elle une signification particulière, devrais-je dire secrète. Je pressens quelque chose de trouble qu'il me serait souhaitable de continuer à ignorer. De retour au chalet, je dépouille les opuscules mal imprimés, émaillés de dessins maladroits et constellés de fautes d'orthographe. Les théories les plus folles y sont exposées, notamment celle selon laquelle Sawana Warlock serait une tueuse en série qui, sous forme romanesque, s'appliquerait à raconter ses crimes par le menu. Le rédacteur en veut pour preuve que plusieurs livres s'inspirent d'affaires réelles non résolues. L'article se présente bien sûr comme une pochade provocatrice. Néanmoins, il décuple en moi une angoisse qui jusqu'à présent demeurait à l'état larvaire. Suivent les clichés des scènes de crime publiées dans la presse, clichés qui correspondent effectivement à plusieurs illustrations que Sawana m'a demandé d'exécuter avec un soin scrupuleux. J'en identifie sans peine les détails caractéristiques. J'essaie de me rassurer en me répétant que Sawana n'a fait que me décrire des photos d'identité judiciaire probablement achetées à un assistant ripoux des services du coroner. Il ne peut en aller autrement. Vous ne croyez pas? Les mois passent et les années. Une routine s'installe. Je vois arriver avec soulagement et angoisse le terme du contrat que j'ai signé il y a 5 ans. Soulagement parce que je serai enfin débarrassée de la tyrannie de Sawana, angoisse parce que je me demande comment vivre une fois que la manne mensuelle des billets de banque cessera de me parvenir par colis recommandé. J'ai peu d'argent de côté. La vie en Suisse coûte cher, le loyer du chalet est exorbitant. Ajoutons à cela le précepteur chargé de l'éducation de Mickey, la femme de ménage, la cuisinière. Russell ne met jamais la main à la poche. D'ailleurs, il est de plus en plus souvent absent. Une fois, on ne l'a pas vu pendant 6 mois. Il a prétendu avoir été blessé lors d'une escalade et soigné dans un hôpital de brousse coupé du monde. J'ai noté la présence d'une nouvelle cicatrice sous son omoplate gauche, la blessure typique laissée par une balle. J'en suis là. Lorsque arrive l'invitation, Sawana me convoque à New York afin de discuter de la reconduction du contrat. Un billet d'avion est joint. J'arrive à un tournant de mon existence. Peut-on signer 2 fois avec le diable sans s'y perdre son âme? Je ne tarderai pas à le savoir. Je débarque à New York en plein hiver, -12°. Le vent s'engouffre dans les canyons formés par les buildings avec une violence de mauvais génie décidé à tout emporter sur son passage. Quelqu'un m'attend à l'aéroport, un grand type d'à peine 20 ans aux allures de guerrier viking qui dit s'appeler Gary. Ses cheveux blonds balaient ses épaules. Il a cette dégaine des rockstars encore inconnus en Europe. Il m'emmène à l'Algonquin, le célèbre hôtel où jadis se rassemblait l'élite intellectuelle new-yorkaise et principalement les écrivains. Il m'explique qu'il faut en profiter car l'établissement sera probablement fermé d'ici peu pour rénovation. J'ai du mal à le comprendre. Il parle cet anglais nasillard, rapide, propre aux habitants de la Grosse Pomme. L'hôtel me paraît vieillot, encombré de boiseries oppressantes. J'y cherche en vain les fantômes de Dorothy Parker et de Harpo Marx qui, en 1920, y fondèrent le cercle vicieux de la Round Table. Sawana y a retenu une suite. « Elle m'attend pour parler de choses sérieuses, insiste Gary. J'ai froid, je suis inquiète. J'ai abandonné Mickey en Suisse aux mains de son père. Je suis terrifiée à l'idée qu'il en profite pour l'enlever et disparaisse avec elle au bout du monde, là où je ne la retrouverai jamais. Je sais qu'il en est capable. Je le soupçonne de me haïr. Je n'aurais jamais dû prendre l'avion, mais, encore une fois, j'ai eu peur d'encourir la colère de Sawana. Elle m'attend, assise dans le salon de sa suite, submergée par la pénombre hivernale, toutes lampes éteintes. Sur une desserte, une théière laisse échapper un filet de vapeur parfumé au ginseng. Elle ne se lève pas pour m'accueillir. Elle donne l'image d'une femme précocement vieillie, souffrant de paralysie. Elle porte son éternel manteau de veau peau. Elle est là, coiffée, vêtue comme il y a 5 ans, à croire qu'on la range et la sort d'une boîte en carton en de rares occasions, comme certaines poupées de collection, trop précieuses pour servir de jouet. Elle dit « Je suis une fille du Sud, je ne supporte pas le froid. Si je reste plus longtemps à New York, l'hiver va me tuer. Je dois retourner le plus vite possible dans le désert. C'est la raison pour laquelle j'irai droit au but. Je veux que vous veniez vous installer ici, aux États-Unis. Tout ira beaucoup mieux et plus vite si je vous ai sous la main. Je vois en nous des âmes sœurs, unies par l'art. Vous exprimez par la peinture ce que j'essaie de faire par écrit. Vos visions concrétisent les miennes. Nous sommes complémentaires. Mais vous n'avez pas encore donné votre pleine mesure. Vous êtes alourdi, freiné par vos problèmes personnels. Votre amant, votre fille. Des poids inutiles qui vous empêchent de décoller. Il est temps que vous vous débarrassiez d'eux. L'homme, vous lui donnerez congé. La gosse, je peux la placer dans un pensionnat haut de gamme où on lui assurera une éducation de princesse. Tant que vous n'aurez pas accepté de vous amputer de ces parasites, vous ne parviendrez jamais au niveau supérieur de votre art. Et vous deviendrez pour moi un boulet. » Ayant énoncé ces fortes paroles, elle prend le temps de siroter une gorgée de thé. Je suis abasourdie, sans voix. Au terme d'une ultime déglutition, Sawana claque des doigts. Le jeune victime, Gary, surgit de nulle part, brandissant un dossier rouge que sa patronne entreprend de feuilleter distraitement. Je sursaute en m'apercevant qu'il contient des photos où je figure en compagnie de Mickey et de Russell. Mon instinct ne m'avait donc pas trompé, on m'espionnait. J'ai enquêté sur votre compagnon, reprend la romancière. Je pense que je ne vous apprendrai rien, il vous ment. Ses 2 séjours au Vietnam se sont soldés par une hospitalisation à l'unité psychiatrique de l'hôpital des vétérans. Lorsqu'il en est sorti, il a rejoint un groupe terroriste dont vous avez peut-être entendu parler, les Weathermen du Weather Underground. Il est devenu leur spécialiste en explosifs. On pense qu'il est à l'origine de plusieurs attentats meurtriers. Le FBI le recherche, c'est pour cette raison qu'il est parti se cacher en Europe sous une fausse identité. De là, il exporte ses services à travers le monde. Coup d'État, révolution de République bananière, l'alpinisme lui sert d'alibi. Mais vous le saviez, n'est-ce pas? C'est un homme dangereux, instable, qui a beaucoup tué. De l'avis des spécialistes auxquels j'ai eu recours, il a développé un amour malsain pour sa fille, Mickey. Les psychologues n'excluent pas qu'ils aient des rapports incestueux. Fréquemment, les mères ont tendance à se voiler la face dans les cas de ce genre. Peut-être êtes-vous de celles-là? Bref, vous êtes en danger car Russell vous déteste. Il vous perçoit comme un obstacle. Son rêve secret est d'être l'unique propriétaire de Mickey. Tôt ou tard, il sera tenté de vous supprimer. Il n'en est pas à son coup d'essai, il a été formé à tuer. C'est son métier. Mickey est le seul être humain qui éveille encore en lui une réelle empathie. les autres n'ont pas plus de réalité que les silhouettes en carton sur lesquelles son sergent-instructeur lui a appris à tirer à Biloxi. Je suis pétrifiée, les yeux fixés sur la minuscule bouche de poupée de Sawana. Cette salope, en moins d'une minute, vient de concrétiser mes pires craintes. Je vais reformuler ma proposition, égrène la petite femme, acagnardée dans son fauteuil, telle une infante d'Espagne atteinte de nanisme. Je puis vous débarrasser de cet homme en le dénonçant au FBI ou à la sécurité intérieure. Ils l'arrêteront, le condamneront à l'injection létale ou à 150 ans de détention incompressible. Quoi qu'il en soit, vous en serez débarrassé. Les mains moites, je dois avouer que je suis tentée. Il y a déjà un bout de temps que Russell m'inquiète. J'ai cessé de l'intéresser en tant que femme. Nous n'avons pas fait l'amour depuis 2 ans. Je suis la nounou à laquelle il confie sa fille chérie lors de ses absences professionnelles. Rien de plus. Néanmoins, je sais que Mickey serait au désespoir si son père était emprisonné et qu'elle ne mettrait pas longtemps à me deviner responsable de cette arrestation. Elle s'empresserait de développer à mon égard une haine apocalyptique. Et cela, je ne le supporterais pas. Réfléchissez, déclare Sawana. Je vous ai retenu une chambre dans cet hôtel. Nous allons prendre le temps de discuter. Je souhaite que vous me connaissiez mieux. Je sais tout de vous, vous ne savez rien de moi. Il faut rétablir l'équilibre de la balance. J'ai envie de crier « Gardez vos foutus secrets. Que votre chien de garde me ramène à l'aéroport, je rentre chez moi. » Au lieu de ça, je reste silencieuse. J'ai besoin de Sawana. Plus exactement, du fric de Sawana. Sans lui, je dégringolerais au bas de l'échelle, comme beaucoup d'artistes de ma connaissance qui finissent manutentionnaires en fruits et légumes, caissières de supermarchés ou peintres en bâtiment. C'est fréquent dans notre milieu. Il y a belle lurette que l'héritage de mes parents a fondu comme neige au soleil. Sawana se lève, me signifiant la fin de l'entretien, et me donne rendez-vous au Grey Room, à 7 heures. Le fidèle Gary m'escorte jusqu'à ma chambre. Je m'interroge. Est-il le gigolo de Sawana? Il est 10 ans plus jeune qu'elle. Bien qu'il soit taillé en athlète, je lui donne 16 ans, 17 à tout casser. Sans prêter attention au décor, je m'assieds devant la fenêtre et regarde la neige tomber. Je connais mal New York pour n'y être venu qu'une fois lors d'un concert de mes parents. J'ai passé le séjour à déambuler dans les salles du Metropolitan, me laissant hypnotiser par les tableaux des grands maîtres. Une parenthèse de bonheur absolu qui constitue encore aujourd'hui le seul bon souvenir d'une enfance maussade et solitaire. Des pensées informes virevoltent dans mon crâne à l'image des flocons de neige de l'autre côté de la vitre. Je nage en pleine confusion. À 17 heures, je retrouve assez d'énergie pour prendre une douche et changer de vêtements. Avec Sawana, inutile de se mettre en frais. À 18h50, je descends au restaurant. Sawana m'y attend, installée à l'écart. Aucun autre convive dans un rayon de 3 mètres. J'ai dans l'idée qu'elle a loué cet air de tranquillité afin que personne ne puisse surprendre nos propos. Elle porte un tailleur beige dans le style Coco Chanel qu'agrémente une curieuse broche en acier chirurgical représentant un oiseau agonisant que traverse une flèche. Bizarre. Elle boit du bourbon, du papy Van Winkle's, 25 ans d'âge, à 1 500 $ la bouteille. Je suis à peine assise qu'elle déclare « Sachez que je suis décidée à établir un lien de confiance entre nous, et pour ce faire, je vais vous raconter ma vie. Du moins, certains épisodes intimes de mon existence. Nous sommes sensiblement du même âge, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs existences antérieures. Commençons par le commencement, quand tout a basculé, c'est-à-dire quand j'ai dû tuer mon père. Je l'écoute. Elle raconte bien. Trop bien peut-être, on arrive à se demander si elle n'invente pas au fur et à mesure ou se laisse aller à enjoliver des faits plus ordinaires. Certains romanciers sont des mythomanes honteux qui dissimulent leur maladie sous l'alibi de l'art. Elle me parle de son père, Sean Shimus Fogarty, le fou de guerre, engagé volontaire au Vietnam. L'homme, mécano dans un garage de la banlieue de Memphis, veut casser du jaune. Sa famille s'est illustrée dans la campagne d'opposition aux droits civiques. Sean, à 14 ans, a secondé son paternel lors des violents assauts menés par les extrémistes blancs contre la Free Ride, ces autocars remplis de militants noirs prêchant la tolérance raciale et la coexistence pacifique. À cette époque, il ne loupait pas une occasion de casser du moricaud. Depuis, il n'a jamais décoléré. Abandonnant famille et travail, il signe un engagement dans les Marines. Toutefois, à la fin de la période d'entraînement, on ne sait pourquoi, il n'est pas jugé apte au combat. On le verse dans l'intendance. Ce sera pour lui un camouflé. Son poste le cantonnera à l'arrière, loin des affrontements dont il ne fera qu'entendre parler. Au mess, il boit les paroles des GI de retour de la zone de feu. On se moque de lui. Il contracte une mauvaise fièvre qui l'amène au bord du délire, puis développe une infection qui engage le pronostic vital. Il est rapatrié et intègre l'hôpital des vétérans. Les médecins ne tardent pas à diagnostiquer une dérive psychotique. Sean confond le réel et l'imaginaire. Il fait sien les exploits des guerriers qu'il a côtoyés. On le réexpédie dans ses foyers avec une maigre pension et un traitement antipsychotique qu'il doit scrupuleusement observer. Dès lors, il fera vivre un enfer à sa famille. Son épouse et ses trois filles doivent supporter le récit interminable de ses exploits. Sean radote en permanence, mime ses combats, exhibe des blessures imaginaires. Utilisant une boîte de bière vide en guise de talkie-walkie, il communique avec un certain général Walker pour lui donner des nouvelles du front. Il termine chacun de ses monologues en proclamant « Charlie en déroute, sommes maîtres du feu ». Note de l'auteur. Charlie, nom de code donné au Viet Cong par les soldats américains. Fin de note. Il était odieux avec tout le monde, explique Sawana. Les voisins avaient peur de lui. Il passait ses journées embusquées à la fenêtre du grenier à surveiller les environs à la jumelle. Il injuriait les passants dès qu'il s'agissait de Noirs ou de Latinos et se contenait à grande peine lorsqu'un Asiatique commettait l'erreur d'emprunter notre rue. Si sa victime faisait mine de se rebeller, il brandissait un fusil automatique. Les flics du quartier n'intervenaient jamais, persuadés que mon père était un authentique héros auquel on devait le respect. Ma mère se débrouillait pour lui faire avaler les antipsychotiques à son insu, en les délayant dans sa nourriture ou son café. Néanmoins, son état empirait. Parfois, le matin, il ne nous reconnaissait pas et nous traitait de putains jaunes. Il nous frappait. Un jour, il s'est mis en tête d'interroger ma sœur aînée, Beryl, pour lui faire avouer l'emplacement de caches d'armes Viet Cong. Il l'a attachée sur une chaise et fouettée avec sa ceinture, jusqu'au sang. La boucle d'acier a failli lui arracher un œil. C'est là que nous avons décidé de le tuer. Nous n'en pouvions plus. Nous dormions toutes les trois dans la même pièce, après en avoir barricadé la porte, dans la crainte qu'il nous agresse pendant la nuit, nous viole, nous mutile ou nous assassine. Quand il était en crise, il devenait capable de tout. Ma mère s'est rendue à l'hôpital des vétérans pour tenter d'expliquer notre problème. Le psy était débordé, épuisé. Il lui a remis une ordonnance pour un hypnotique plus puissant, en lui expliquant qu'ils étaient des centaines à présenter des troubles identiques, mais que le gouvernement ne tenait pas à ce que ça s'ébruite. Le médicament nous a permis de souffler une semaine, puis tout a recommencé. C'est là qu'on a décidé de le tuer pendant son sommeil, avec l'un de ses foutus revolvers, en lui tirant une balle dans la tête. La version officielle aurait été suicide au cours d'une crise de désespoir. On était à bout. On ne réfléchissait plus, on voulait juste que ça s'arrête. Comme vous vous en doutez, ça a raté. Il s'est réveillé au moment même où ma mère approchait le canon de sa tempe. De toute manière, je ne crois pas qu'elle aurait tiré, elle tremblait trop. Je m'étais portée volontaire, mais Mom a estimé que la tâche lui incombait. Comme des idiotes, nous pensions qu'il serait désarmé. C'était encore une erreur. Il cachait un poignard baïonnette sous son oreiller. Il a réagi aux cartes du tour et frappé ma mère au ventre. Ensuite, il a bondi du lit et s'en est pris à mes sœurs. Il hurlait « aux armes, incursion ennemie !» J'ai eu le réflexe de battre en retraite et de descendre dans la cave. Il n'y avait qu'une clé, je m'en suis servi pour m'enfermer à double tour. Cela m'a sauvé. Si je m'étais enfui dans la rue, il m'aurait tiré comme un lapin avec son fusil à lunettes. Au début, j'étais persuadée qu'il allait défoncer le battant à coups de hache et venir me trancher la gorge. Mais, dans son délire, il se croyait au seuil d'un bunker Viet Cong et ne voulait pas courir le risque de monter à l'assaut sans couverture. À travers la porte, je l'entendais qui lançait des messages radio pour réclamer un soutien aérien. Je suis restée deux nuits bouclée dans ce réduit, avec l'espoir que quelqu'un se rendrait compte de quelque chose. Mais les voisins pratiquaient la politique de la sourde oreille et ils avaient l'habitude des vociférations paternelles. J'ai compris que j'allais crever de soif ou qu'à bout de patience, mon père se déciderait à passer à l'attaque, faisant sauter la serrure d'un coup de pied. C'est alors que dans le fouillis qui m'entourait, j'ai trouvé sa cantine militaire, celle qu'il avait ramenée du Vietnam. J'ai forcé le cadenas avec un tournevis en me disant que j'aurais peut-être la chance d'y trouver un revolver. À première vue, elle ne contenait que de vieux uniformes moisis, un treillis, des ceinturons, un casque. J'allais laisser tomber, découragée, quand mes doigts ont touché un objet rond dans le fond, une grenade offensive. C'est comme ça que je l'ai eu, ce cinglé. J'ai découpillé la grenade, entrouvert la porte et balancé le truc au sommet de l'escalier, là où mon père se tenait embusqué avec son M16. Cela ne m'a pris qu'une fraction de seconde, mais j'ai eu le temps de voir que ce connard s'était barbouillé le visage avec du produit de camouflage, comme s'il était dans la jungle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Puis le souffle de l'explosion a arraché la porte de ses gonds et m'a plaqué au sol. Le battant m'est tombé dessus, me recouvrant, ce qui m'a protégé des éclats. Quand je me suis relevée, j'étais sourde, à demi asphyxiée par la fumée. Là-haut, le canapé avait pris feu. Toute la baraque était en train de brûler. En atteignant la dernière marche de l'escalier, j'ai posé le pied sur quelque chose de rond. C'était la tête de mon père, tranchée au ras du menton. J'ai pensé qu'il avait vraiment l'air con avec ses foutues ébrures de camouflage. Sawana parle comme elle écrit, avec le même souci d'efficacité. J'hésite à la prendre au sérieux. Je ne veux pas dire par là qu'elle ment consciemment. Non. Mais peut-être a-t-elle fini par se persuader que cette histoire, inventée de toutes pièces, est vraie. Auto-hypnose. Son récit terminé, nous avons dîné frugalement d'une salade César. Elle est restée silencieuse durant tout le repas, buvant sec, les yeux dans le vague, absente. J'ai eu l'impression qu'elle n'était plus vraiment là. Au moment du dessert, elle s'est levée brusquement pour m'annoncer qu'elle devait travailler, mais que je pouvais continuer à manger et commander ce que je voulais. J'étais son invitée. À demain, a-t-elle conclu. Même heure, même endroit. J'ai encore bien des choses à vous dire. J'en ai profité lâchement pour tâter, moi aussi, du papier Van Winkles et je suis montée me coucher agréablement saoule. Bien évidemment, le lendemain, je me réveille avec une gueule de bois effroyable et une haleine de poubelle. Je prends une douche interminable pour me débarrasser de l'odeur d'alcool qui suinte par tous mes pores. La migraine m'empêche de réfléchir et c'est tant mieux. Je somnole en attendant le soir. La neige tombe toujours. Dans les rues, les voitures patinent. Les chevaux des policiers montés tâtent le trottoir d'un sabot prudent. J'aurais aimé retourner en pèlerinage aux métropolitaines, mais je ne m'en sens pas la force. La puissance mentale de Sawana Warlock me tient prisonnière à l'Algonquin. À 19 heures, j'ai plus ou moins repris forme humaine. Bourré d'anacine, je gagne le restaurant. Sawana est déjà là. Même tailleur, même broche, même zone protégée. Je m'assieds. Surtout ne pas céder à la tentation d'un nouveau verre d'alcool si je veux éviter de m'écrouler, le nez dans mon assiette. Pour lancer la machine, je demande « Que s'est-il passé après la mort de votre père? Avez-vous eu des ennuis avec la police ?»« Non, » répond tranquillement la petite femme. « J'ai joué la comédie du traumatisme. Étant donné la situation, c'était crédible. Je suis restée muette, tandis qu'on m'administrait des tranquillisants dont je n'avais nul besoin. » J'ai réalisé que durant cette épreuve, mon sentiment dominant avait été la rage, non la peur. Cela m'a permis de comprendre que j'avais hérité de mon père ce qu'on nomme le gène du guerrier, c'est-à-dire une aptitude naturelle au combat, un besoin physique de provoquer l'affrontement, d'aller au contact. Bref, comme mon géniteur, j'étais un prédateur. On m'a transféré à Pescadero, l'asile d'aliénés californiens. Les psys craignaient que je reste catatonique. Cela arrive souvent, semble-t-il, aux rescapés des catastrophes. J'ai joué le jeu. J'avais besoin d'un point de chute, d'une retraite pour m'organiser. J'étais une patiente modèle, à ceci près que je faisais semblant d'avaler les cachets qu'on me prescrivait. Très vite, on m'a appliqué un régime de semi-liberté. Je pouvais aller et venir à ma guise dans l'enceinte de l'hôpital. J'en ai profité pour nouer des liens avec certaines filles qui étaient là, en désintox, sur ordonnance d'un juge. Elles n'étaient pas particulièrement folles, et comme moi jouaient les gentilles brebis pour hâter leur libération. En les écoutant monologuer, j'engrangeais des informations, je bâtissais des stratégies. L'une des patientes, Florinda, s'était fait arrêter alors qu'elle essayait de voler un bébé dans un supermarché. Des experts avaient diagnostiqué un trouble du comportement, un désir compulsif de maternité. Elle avait échappé de justesse à la prison à condition d'accepter de suivre une analyse. En réalité, Florinda n'avait aucun désir d'être mère. Elle kidnappait des enfants pour le compte d'un certain tsar Marcorius, un gourou dont la communauté se cachait dans un coin désertique à la frontière du Nevada. En discutant avec elle, j'ai pris conscience qu'elle était fêlée, certes, mais assez habile pour ne rien laisser paraître. Cette histoire de communauté m'intéressait. J'y voyais le moyen de sortir de la circulation un certain temps. J'avais besoin de faire une pause. Florinda vouait à ce Marcorius une admiration sans bornes. Le projet du saint homme consistait à façonner une nouvelle humanité en prévision de l'inévitable conflit atomique qui allait s'abattre sur nous. Pour cela, il fallait remodeler l'être humain à la base, lui permettre de retrouver l'instinct qui avait permis à l'homme des cavernes de survivre au pire cataclysme. Il était surtout question de développer le diencéphale, notre cerveau reptilien, que les lois, les règles, la famille, l'école, le monde moderne n'ont cessé d'atrophier. Il avait mis au point une méthode infaillible pour nous permettre de récupérer nos pouvoirs perdus. Tsar Marcorius se voyait comme une sorte de dieu pétrissant l'argile dont sortirait l'homme nouveau. Il avait rassemblé autour de lui une bande de marginaux en dérédiction, jeunes pour la plupart, et incroyablement crédules. La communauté, selon Florinda, était le creuset d'où sortirait l'humanité future. Un laboratoire secret qui devait se protéger de la haine des gouvernements rétrogrades. En l'interrogeant plus avant, J'ai appris que Macorius était un ex-agent de change plein aux as qui, à la suite d'un AVC, avait plus ou moins perdu la boule et choisi de devenir un drop-out. Note de l'auteur. Terme qui, dans les années 60-70, désignait un cadre supérieur bien inséré dans la société de consommation qui, brusquement, renonçait à tout pour devenir une sorte de moine mendiant, prêchant la paix universelle, l'usage intensif des drogues et la fin des tabous, notamment sexuels. Fin de note. J'ai jugé l'équation intéressante et méritant réflexion. Dès lors, je me suis débrouillée pour que ma guérison coïncide avec la libération de Florinda. L'asile était plein à craquer. Les psys avaient désespérément besoin de récupérer des lits. Aussi se montraient-ils indulgents avec les patients qui ne représentaient pas une menace immédiate pour la société. Nous avons donc été rendus à la vie civile, nantis d'un traitement d'appoint, d'une obligation de suivi mensuel, d'une aide financière censée nous donner une chance de réinsertion, ainsi que l'adresse d'un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil des personnes fragiles. Inutile de préciser que nous avons aussitôt mis le cap sur le désert du Nevada dans le vieux pick-up de Florinda. En arrivant en vue de la fameuse communauté, j'ai compris que Tsar Marcorius était tout sauf un imbécile. Alors que je m'attendais à débarquer dans un campement de hippies vivant dans des huttes mal foutues et s'évertuant à tisser de pauvres imitations de couvertures Navajo, je me retrouvais au pied d'une immense villa futuriste entourée d'un parc de plusieurs hectares. Une clôture électrifiée en défendait l'accès. L'ensemble était cossu, vaguement fortifié, avec de faux airs de citadelle. De toute évidence, Marcorius, dans sa vie antérieure de suppôt de la finance, avait su faire fructifier son capital. Le bonhomme auquel Florinda me présenta était au diapason du reste. Impressionnant, charismatique. Entretenant une vague ressemblance avec le Marlon Brando de l'homme à la peau de serpent. Je ne mentirai pas, il ne m'a pas sauté au cou. J'ai compris que je devrais faire mes preuves avant qu'on me laisse accéder au Saint des Saints. La communauté était divisée en néophytes et en initiés du troisième, second et premier cercle. Chaque groupe occupait un dortoir différent. Plus on progressait dans l'enseignement du maître, plus on avait le droit d'accéder à certains secteurs verrouillés. Les néophytes pouvaient rester habillés. Les initiés, eux, pratiquaient le nudisme, ou, pour respecter la terminologie du clan, l'état de nature. Tout était d'une rigoureuse propreté et la nourriture excellente. Au début, on m'a affecté à l'équipe qui assurait le ravitaillement. Tous les 2 jours, nous prenions la camionnette pour écumer les supermarchés des environs. Au moment du départ, on nous remettait une enveloppe remplie de billets de 50 et 100 dollars. Florinda m'a expliqué que Macorius n'avait aucune confiance dans les banques. Il connaissait trop bien les failles du système pour s'en remettre à ce genre d'établissement. Soucieux d'éviter à son fric l'engloutissement dans une quelconque faillite frauduleuse, il avait mis sa fortune à l'abri dans une chambre forte, ici même au cœur de la villa. J'ai aussitôt gravé cette information dans ma mémoire. Je me suis appliquée à renforcer mes liens d'amitié avec Florinda, qui disparaissait plusieurs jours chaque mois pour accomplir d'étranges missions à l'extérieur. Il n'était guère difficile de deviner que la communauté se trouvait embarquée dans une affaire louche. Le cloisonnement des niveaux, des étages, les portes équipées de serrures à combinaison, tout tempestait le mystère. J'ai vite senti que la solution de l'énigme se cachait au centre de la bâtisse, dans ce que les initiés surnommaient entre eux et sur un ton respectueux le jardin d'hiver. Bien sûr, comme tous les gens qui détiennent un secret, Florinda brûlait de partager le sien. elle a fini par me révéler que son travail consistait à parcourir les États voisins pour kidnapper de jeunes enfants, voire des nourrissons, et à les ramener ici, afin que Tsar Marcorius puisse les reprogrammer et faire d'eux de nouveaux survivants. Elle disposait pour cela d'une voiture truquée, un gros break, nantie d'une cachette sous la banquette arrière où elle pouvait dissimuler le gosse après lui avoir administré un somnifère. De cette façon, elle n'avait pas à craindre les contrôles de police. L'ennui, m'expliqua-t-elle, c'est que les nourrissons avaient tendance à pleurer, ce qui pouvait s'avérer gênant si, à cet instant précis, un flic était en train d'examiner votre permis de conduire. Et puis, certains enfants en bas âge supportaient mal les somnifères. On découvrait à l'arrivée qu'ils s'étaient étouffés dans leur vomi. C'était rageant d'avoir couru tous ces risques pour rien. Quand je lui ai demandé si cela ne la gênait pas d'arracher des gosses à leur famille, elle s'est cabrée. « Bien au contraire, m'a-t-elle répondu, je leur sauve la vie, et elle en était persuadée. La famille, m'a-t-elle expliqué, c'est un étouffoir, un asile d'aliénés miniatures dont on ne ressort jamais indemne. Elle considérait que Tsar Marcorius lui avait sauvé la vie en la kidnappant à l'âge de 14 ans. Il m'a fallu un an pour postuler à l'initiation de niveau 1. Mais je n'étais pas pressée, j'attendais mon heure. J'étais logée, nourrie, blanchie, sans autre obligation que de paraître docile et convaincue. Lentement, en assemblant les renseignements parcellaires que je cueillais au vol, j'ai complété le puzzle. Il était assez effrayant en vérité. Le fameux jardin d'hiver était une annexe de l'enfer, où Marcorius abandonnait les enfants dans le plus grand dénuement. Et par dénuement, j'entends « nu » au sens strict du terme. Il avait organisé au centre de sa citadelle privée une sorte de zoo humain où les gosses devaient se débrouiller pour survivre coûte que coûte au milieu d'animaux divers qui tantôt les toléraient, tantôt les attaquaient. La plupart des mioches régressaient très vite, devenant ce qu'on appelle des enfants loups. Ils oubliaient le langage humain, s'exprimaient en grognant, se déplaçaient à quatre pattes. Marcorius observait ces métamorphoses grâce à des caméras dissimulées dans la végétation du fameux jardin qui couvrait une surface de 3000 mètres carrés. Jamais il n'intervenait pour soigner un blessé ou un malade. Non, ça aurait été affaiblir les défenses naturelles de la race. Il pratiquait un eugénisme impitoyable, façon viking, une sélection naturelle qui éliminait les moins armés pour la survie. Certains gosses se comportaient comme de véritables animaux, d'autres se laissaient mourir. Il y avait des cas de cannibalisme. Des plus forts devenaient chefs de meute et finissaient par développer un ersatz de langage. Voilà à quoi servaient les raptes d'enfants. Le déchet étant important, il convenait de renouveler constamment le cheptel. Florinda et ses semblables servaient de pourvoyeuses. Leur cible préférée, les bambins de 3 ou 4 ans, capables de tenir sur leurs jambes, mais dont les souvenirs familiaux s'effaceraient vite. D'après mes informations, certains gosses survivaient depuis 5 ans au sein du jardin d'hiver. Ils devenaient alors de formidables petites brutes qui faisaient la fierté de Marcorius. Leur état de nature leur assurait d'ores et déjà de grandes chances de survie dans l'univers post-cataclysmique que nous concoctaient les gouvernements. Marcorius, très sérieusement, nous expliquait que ces merveilles de l'évolution accélérée, concept dont il était l'inventeur, étaient des surhommes et que nous devions les vénérer tels des dieux. Notre race étant d'ores et déjà obsolète, nous avions devant nous les seigneurs du futur. Je n'entrerai pas dans les détails, mais sachez qu'il m'a fallu encore un an pour entrer dans les bonnes grâces de notre maître. D'aucuns diraient que pour parvenir à cela, j'ai dû faire des choses assez moches, voire très moches. Je ne le nie pas, mais il me fallait me rapprocher du centre, avoir mes entrées au jardin d'hiver. je suis devenue sa maîtresse comme toutes les filles de la communauté. Certaines rêvaient de tomber enceinte pour pouvoir lui offrir leur progéniture et contribuer ainsi au grand projet. J'ai eu la chance que cela ne m'arrive pas. J'ai joué à l'esclave amoureuse, naïve, innocente, jusqu'à ce qu'ils parlent et agissent en ma présence sans prendre de précautions. J'ai pu ainsi accéder au carnet noir où étaient inscrits les codes de toutes les serrures à secret et aussi la combinaison de la chambre forte. Car Macorius, depuis son AVC, souffrait d'une mémoire défaillante qui l'amenait à intervertir les chiffres. À ce point de ma trajectoire, j'avais deux buts précis. M'emparer du contenu du coffre et libérer les prisonniers du jardin infernal. Si je n'avais aucun scrupule à divulguer cette fripouille, il n'en allait pas de même en ce qui concernait les gosses, et je me voyais mal prendre la fuite en les abandonnant à leur sort. Mais je m'aperçois qu'il est tard, aussi me faut-il abréger cette confession, car je dois prendre l'avion demain matin à la première heure. Je sauterai donc à la conclusion. Une nuit, après m'être laissé baiser comme il l'entendait, j'ai attendu qu'il s'endorme et je l'ai tué en lui enfonçant un coup de papier en plein cœur. Il a mis 3 secondes à mourir, mais je crois que ça lui a laissé le temps d'avoir très peur. Il le méritait. Je suis descendue à la chambre forte. Elle contenait une 20aine de valises, toutes semblables, chacune renfermant 1 million de dollars en billets de 100. Il était hors de question que je les emporte toutes. J'en ai pris 2 et soigneusement refermé la porte. Ensuite, je me suis glissée dans la salle de contrôle où Macorius s'installait pour étudier les images retransmises par les caméras. J'ai pianoté sur le clavier la séquence commandant l'ouverture des portes coulissantes du jardin. À partir de là, le temps m'était compté, il me fallait faire vite. J'ai pris le chemin de la sortie, les valises me battant les mollets. Les gosses ne sont pas sortis tout de suite. Vous savez, ils ont fait comme les oiseaux dont on ouvre la cage, mais qui n'osent pas mettre le bec dehors. Cela m'a permis de fuir le bâtiment avant qu'éclatent les premiers hurlements. Je suppose que le carnage a été total et qu'ils se sont jetés sur les initiés pour les mettre en pièces. Je suppose aussi que les adeptes de Macorius n'ont pas osé se défendre, puisqu'on leur avait enseigné à vénérer les dieux du jardin d'hiver. Je les imagine très bien, se laissant déchiqueter avec le sourire, emplis de béatitude à l'idée de combler la faim des seigneurs du futur. Bon sang, comment peut-on être aussi con? Au moment où je me glissais au volant du pick-up avec lequel je comptais m'enfuir, une main s'est posée sur mon mollet. Une main d'enfant, sale, aux ongles comme des griffes. Je me suis retournée. Un garçonnet se tenait là, à 4 pattes, nu, barbouillé de merde et de sang séché. Ses cheveux longs descendaient jusqu'au sol. Il ne semblait pas décidé à m'attaquer. Alors, comme l'on fait avec les chiens, j'ai tapé sur le siège du passager pour l'inviter à monter. Il a obéi sans une hésitation. Ce gosse, c'était Gary, le jeune homme qui est allé vous accueillir à l'aéroport. J'ai mis le contact et nous avons filé dans la nuit. Au bout d'une heure, j'ai arrêté la voiture au bord d'un arroyo et j'ai profité du filet d'eau qui coulait entre les pierres pour le débarbouiller. Il s'est laissé faire en poussant des jappements de chiots surpris. Il avait l'air de trouver cela agréable. Une fois revenu dans le véhicule, je l'ai enveloppé dans une couverture en lui faisant signe de s'étendre à plat ventre sur le tapis de sol, pour se cacher. Il a parfaitement compris. La survie, il connaissait. J'ai roulé jusqu'à San Diego. Au premier drugstore, j'ai acheté des vêtements. Un t-shirt, un bermuda, sans savoir s'il accepterait de les enfiler. Mais il n'a pas trop fait de difficultés. J'ai pensé qu'en élisant domicile à proximité d'une plage, il me serait facile de justifier sa quasi-nudité. Pour le reste, je n'aurais qu'à le prétendre sourd-muet. L'infirmité effrayant les gens normaux, il cesserait instantanément de s'intéresser à lui. Mon calcul s'est avéré. L'avenir ne s'annonçait pas trop mal. J'ai loué un bungalow face à la mer et payé 6 mois d'avance en liquide. Le proprio était ravi. Dès le lendemain, j'ai acheté une machine à écrire, une rame de papier et entrepris de rédiger le récit de mon séjour dans la communauté. Gary se couchait à mes pieds, comme un chien, et attendait sagement que j'arrête. Ma plus grande difficulté a été de lui apprendre à ne plus se déplacer à quatre pattes, mais j'y suis parvenue. Au cours de l'année qui a suivi, je me suis partagée entre mon travail d'écriture et Gary, à qui il m'a fallu apprendre à parler, à lire et à écrire. Cela n'a pas été sans mal. Heureusement, il avait l'oreille musicale et identifiait parfaitement les sons. D'ailleurs, il a su jouer de la guitare avant de savoir parler. Curieux, non? Les journaux ont très peu évoqué le massacre. Sans doute parce que la maison a été détruite par un incendie qui n'a pas permis d'autopsier correctement les cadavres. Tsar Makorius, de son vrai nom Herbert Karl L., était manifestement considéré comme un citoyen modèle dirigeant un centre d'hébergement pour jeunes en détresse. De toute évidence, personne ne soupçonnait l'existence du jardin d'hiver. Ou bien, quelqu'un est intervenu en haut lieu pour que cet aspect de l'affaire soit passé sous silence. Mon récit est devenu roman. J'ai dû en écrire 6 versions avant de déposer le manuscrit aux éditions Screaming Black Cat. Cela fait, j'ai cessé d'y penser. Je n'imaginais pas qu'il serait publié. J'avais plutôt utilisé l'écriture comme une thérapie pour m'extirper de la tête les souvenirs toxiques des 2 dernières années. J'avais de l'argent. J'en ai utilisé une partie pour fabriquer une fausse identité à Gary, qui, du coup, est devenu mon fils. Je lui ai fait suivre des cours de rattrapage auprès de divers spécialistes, mais ce qui continue à l'intéresser plus que tout, c'était la musique. Voilà, c'est tout en ce qui concerne ce chapitre de ma vie. J'aurais bien d'autres choses à vous raconter, mais le temps me fait défaut. En me dévoilant à vos yeux, j'ai joué carte sur table et essayé de vous faire comprendre qu'une relation de confiance peut s'établir entre nous. Nous sommes toutes deux des femmes meurtries. Épaulons-nous. Gary vous remettra le contrat en blanc et vous raccompagnera demain soir à l'aéroport si vous souhaitez regagner la Suisse. J'espère que vous choisirez de rester ici. À nous deux, nous pouvons faire de grandes choses. Sawana s'est levée, m'abandonnant à la table. Pour une fois, elle n'avait pas fini son verre. Je me sentais nauséeuse, chamboulée par ce qu'elle avait avoué et, plus encore, par ce qu'elle avait passé sous silence. Le lendemain, j'ai sauté dans l'avion de la Swiss Air et atterri à Zurich. Pendant toute la durée du vol, j'avais essayé de me persuader que Sawana était mythomane. Je n'y étais pas arrivée. Après mon retour, il s'est écoulé plus d'un an avant que Sawana ne reprenne contact. Je pense qu'elle avait assimilé mon refus à une trahison. Entre-temps, aucun contrat ne nous liant plus, elle et moi, elle avait cessé de me verser la rente mensuelle qui jusque-là nous permettait de vivre. La misère menaçait. J'avais dû renvoyer le précepteur de Mickey ainsi que la cuisinière et la femme de ménage. Nous avions dû également réduire les dépenses de chauffage et ne vivions plus que dans la salle commune car il était possible d'y faire du feu dans la cheminée grâce au bois que nous ramassions aux alentours et mettions à sécher dans le grenier. J'essayais tant bien que mal de gagner ma vie en écrivant des contes pour enfants que j'illustrais, mais ce travail était mal payé. La plupart des éditeurs, en effet, se font un devoir de considérer la littérature comme une distraction, non comme une profession. Or, la logique veut qu'on ne paie pas les gens pour se distraire. C'est même le contraire. C'est alors que le drame s'est produit. Le cours de ma vie allait changer du jour au lendemain. Un matin, en descendant au village faire des commissions, les freins de ma voiture ont lâché. J'ai failli défoncer le parapet. Le garagiste, après s'être glissé sous le châssis, m'a jeté un drôle de regard. « C'est bizarre, » a-t-il grogné. « On dirait que quelqu'un s'est amusé à percer le réservoir de liquide à frein. Ou alors c'est que vous avez roulé sur une pierre pointue. Ça peut arriver. » L'ennui, c'est que je n'avais roulé sur aucune pierre. Un mois plus tard, alors que j'attendais le train à Lausanne, quelqu'un m'a bousculé et j'ai failli tomber sur les rails au moment où la motrice entrait en gare. La paranoïa s'est emparée de moi. Enfin, un beau matin, on a frappé à la porte du chalet. J'ai ouvert avec réticence, car les créanciers commençaient à me harceler. Stupéfaite, j'ai reconnu Gary. Il avait l'air plus soucieux que dans mon souvenir, moins dynamique. « Excusez-moi, » a-t-il dit, « vous me reconnaissez ? Ce n'est pas Sawana qui m'envoie. En fait, je viens de mon propre chef. Est-ce qu'on pourrait parler ?» Je l'ai fait entrer. Je n'avais que du thé à lui offrir ou du vin ordinaire, car je n'étais plus assez riche pour acheter des alcools de qualité. Il m'a expliqué que Sawana traversait une mauvaise passe. Elle n'avait rien écrit depuis un an. Blocage total. Par ailleurs, la vente de ses livres fléchissait dangereusement. J'ai essayé d'enrayer cela en faisant courir des rumeurs fantaisistes, a-t-il avoué sur un ton d'excuse. J'imprime moi-même des petits journaux où j'accuse Sawana d'être une tueuse en série. Ce genre de foutaise scandaleuse. J'espérais que cela piquerait la curiosité des lecteurs et relancerait les ventes, mais ça n'a fonctionné qu'un temps. Son éditeur risque de la lâcher alors qu'elle a fait sa fortune. « Je n'y puis pas grand-chose, » ai-je soupiré. « L'inspiration, vous savez, ça va, ça vient. »« Au contraire, vous pouvez beaucoup, » a-t-il rétorqué. « Ce sont vos illustrations qui déclenchent le processus créatif chez Sawana. » Elle les pose sur sa table de travail et les fixe des heures durant avant de se mettre à écrire. Elle a cru qu'elle pourrait s'en passer. C'était une erreur. Il faut que vous recommenciez à dessiner pour elle. Sinon, elle pourrait faire une bêtise. Je me suis aussitôt demandé si elle n'avait pas déjà commencé. Ma voiture sabotée, le coup de coude entre les omoplates à la gare. Voulait-elle me punir de l'avoir condamnée à l'impuissance? J'étais étonné et obscurément flatté d'apprendre que mes peintures préexistaient à l'œuvre littéraire, voire qu'elles en étaient l'élément déclencheur, le détonateur. Généralement, c'est l'inverse. Mais pourquoi s'en étonner? La création est une tambouille mystérieuse que chacun cuisine selon sa propre recette. Ce qui vaut pour l'un ne marche pas chez l'autre. Puis un frisson m'a parcouru. D'une manière détournée, Gary n'était-il pas en train de me menacer? J'ai eu l'impression que le message qu'il essayait de me faire passer était « Dépêchez-vous de vous rabibocher avec cette dingue, je ne pourrai plus la retenir bien longtemps. » « Ok, ai-je capitulé, qu'elle m'envoie des éléments de décor, je lui proposerai quelque chose. » Gary a eu un sourire radieux. De sa poche droite, il a tiré une feuille de papier pliée en deux, de la gauche une enveloppe jaune gonflée. « À tout hasard, » a-t-il soufflé, « j'avais préparé ça. » La feuille était couverte de haut en bas d'une petite écriture heurtée que j'ai identifiée comme celle de Sawana. L'enveloppe contenait 10 000 $ en coupure de 10. J'ai résisté à l'envie de le gifler. Je n'avais pas les moyens de jouer les offensés. Une pensée désagréable m'a traversée, celle que Sawana estimait avoir droit de vie et de mort sur ma fille et moi. J'ai inspiré profondément pour rassembler mon courage. Puis, d'un tiroir, j'ai sorti le contrat que j'avais remisé là un an plus tôt. Je l'ai signé et tendu à Gary. Il m'a souri une fois de plus, s'est levé pour prendre congé. Arrivé sur le seuil, il s'est retourné pour murmurer. D'après nos sources, Russell est en prison aux Philippines pour une sordide histoire de contrebande d'alcool. S'il ne parvient pas à s'évader, il y restera 4 ans. Cela vous offre un répit. Profitez-en. D'après son codétenu, il a développé une haine féroce à votre égard. Il vous accuse notamment de l'avoir dénoncé pour l'empêcher de voir sa fille. Je suppose que c'est faux, bien sûr. Je suis restée plantée là, tandis qu'il s'éloignait. Comment aurais-je pu dénoncer Russell ? 9 fois sur 10, je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Mais Gary, qui semblait si bien informé, aurait pu le faire, lui, histoire de m'assurer la tranquillité nécessaire à la besogne que je devais effectuer pour sa mère adoptive. La vie a repris, ainsi que les livraisons mensuelles de liasses de $100. La vie. Les années. Et aussi la routine des lettres délirantes signées Sawana. Ma fille avait grandi, trop vite. J'avais toujours su qu'elle sauterait sur la première occasion pour me quitter, et c'est ce qu'elle avait fait, sans que je trouve aucun argument pour la retenir. Elle était partie à Paris s'inscrire aux Arts Déco. L'alcool et la tension nerveuse m'avaient précocement vieilli. J'avais de moins en moins de succès auprès de mes amants d'une nuit. Je savais qu'ils acceptaient de coucher avec moi parce que la rumeur assurait que j'étais riche. Sur le calendrier, je rayais les mois qui me séparaient encore de la libération de Russell. J'avais peur qu'il vienne me demander des comptes et m'accuse de l'avoir empêché de voir sa fille grandir. J'ai réalisé avec une sorte d'horreur que je travaillais déjà depuis 10 ans pour Sawana Warlock. 10 années durant lesquelles, une clause du contrat le précisait expressément, je n'avais pas eu le droit de signer les tableaux qu'elle me commandait. Je ne sais ce qui motivait cet abus. Un délire mégalomane ? Le refus d'avouer qu'elle avait besoin de moi ? Quoi qu'il en soit, je m'étais amusée à contrevenir à cette interdiction en cachant ma signature à l'intérieur de détails microscopiques, moulures ou motifs de papier peint. Mon nom, oui, ainsi que la date à laquelle j'avais achevé le dessin. Je n'avais pas pu résister au besoin de lui faire ce pied de nez dont elle n'avait, au demeurant, jamais eu conscience. C'était puéril, bien sûr. Ces derniers temps, en dépit des illustrations que j'avais brossées selon ses instructions, aucun titre inédit n'avait paru en librairie. Elle semblait encalminée, incapable d'aligner deux mots. J'avais également remarqué que le montant de ma rente mensuelle diminuait, comme si l'époque de sa splendeur était révolue. J'en ai conclu que son éditeur avait, sinon fermé le robinet à royalties, du moins en avait-il réduit le débit. Une longue période de silence a suivi. Inquiète, j'ai expédié 3 lettres à la boîte postale que nous utilisions pour communiquer. Elles sont restées sans réponse. Cela ne sentait pas bon. Sawana affrontait-elle un sérieux problème de santé ? J'ai fini par recevoir un overseas télégramme qui disait « Russell libéré, signalé sur le territoire français, déménagement conseillé, Gary. » J'ai senti mes intestins se liquéfier et mes genoux devenir mous. Déménager ? Pour aller où ? Un artiste peintre ne lève pas le camp comme un simple quidam. Il doit aussi emporter le contenu de son atelier. Le néophyte ignore la plupart du temps que le matériel engrangé, toiles, couleurs, vernis, tableaux en cours d'achèvement, représente un investissement financier et affectif considérable. En outre, j'avais la certitude que Russell me retrouverait où que j'aille. C'était son métier, traquer les gens, les localiser, les tuer. Il s'arrangerait pour me supprimer en laissant croire à un accident, à un suicide. Non, fuir ne servirait à rien. Fugitivement, l'idée de rejoindre ma fille à Paris m'a traversé l'esprit. C'était idiot, je ne serais pas la bienvenue. Jamais elle ne voudrait admettre que son père puisse me vouloir du mal. Pour elle, c'était un dieu. Elle n'était pas loin de le vénérer autant que les disciples de Tsar Marcorius idolâtraient les seigneurs du futur. Malgré tout, j'ai passé le reste de la journée à essayer de répartir en un minimum de bagages ce qu'il me faudrait emporter en cas d'évacuation immédiate. Je me suis livré à une fouille en règle du chalet dans l'espoir de mettre la main sur une arme, sans rien trouver. Russell possédait un arsenal, de cela j'étais certaine, mais j'ignorais tout de l'endroit où il l'avait dissimulé et ne pouvais me permettre d'arracher les lattes du parquet. J'ai décidé de descendre au village, faire le plein du réservoir et engranger assez de provisions pour ne pas mourir de faim s'il me fallait affronter un siège prolongé. Le chalet étant très isolé, j'avais peu de chances d'obtenir de l'aide du voisinage, surtout si Russell commençait par couper la ligne téléphonique. Je roulais depuis 10 minutes quand le pare-brise s'est soudain étoilé. J'ai d'abord cru au ricochet d'un caillou, puis j'ai vu que l'appui-tête du siège passager, déchiqueté, vomissait son rembourrage. La balle l'avait traversé avant de s'enfoncer dans la banquette arrière. Le coup avait manifestement été tiré en diagonale descendante par un tireur perché dans un arbre. Je me suis couché en travers des sièges, terrifié. Sur la route déserte, je constituais une cible idéale. À cette époque de l'année, la circulation était presque nulle. Les randonneurs eux-mêmes coupaient à travers les prairies. Russell avait tout le temps de descendre de son perchoir pour m'administrer le coup de grâce. Me ressaisissant, je me suis redressé pour enclencher la marche arrière. Il m'a semblé percevoir l'écho d'une nouvelle détonation, mais j'étais trop occupé à ne pas flanquer la voiture dans le fossé pour m'en émouvoir. J'ai rebroussé chemin sans sortir de la route, ce qui tient du miracle. De retour au chalet, j'ai décroché le téléphone pour appeler l'annexe de la Bundeswehr Polizei du village voisin. Il n'y avait pas de tonalité. J'ai fermé tous les volets, verrouillé la porte et me suis posté au milieu du salon, un couteau de cuisine au poing, comme dans les films d'horreur pour adolescents. J'étais persuadée que Russell attendrait la nuit pour passer à l'assaut. Je n'ai pas fermé l'œil, combattant la fatigue en ingurgitant force tasse de café noir. Il ne s'est rien passé. Le lendemain, un soleil resplendissant éclairait le paysage, m'offrant une vue idéale sur les environs. Depuis la lucarne du grenier, j'ai scruté les alentours sans rien détecter d'anormal. Cela ne signifiait pas grand-chose, Russell étant passé maître dans l'art du camouflage. Tout à coup, une voiture a remonté la route en direction du chalet. Grâce aux lentilles grossissantes, j'ai pu identifier le conducteur, Gary. Il paraissait tendu, nerveux, comme un soldat qui, s'engageant à découvert, sait qu'à tout moment, on peut le tirer comme un lapin. Les mains crispées sur le volant, il ne cessait de jeter des coups d'œil à droite et à gauche. J'ai moi-même serré les dents, persuadé que j'allais voir son crâne exploser d'une seconde à l'autre. J'ai couru au rez-de-chaussée pour lui ouvrir la porte. Il s'est garé juste devant la véranda, de manière à s'engouffrer en trombe dans la maison, ce qu'il a fait sans prendre le temps de claquer sa portière. « Je suis venu dès que j'ai pu », a-t-il haleté. « Sawana m'envoie vous sortir de là. Vous ne pouvez pas rester ici. Ce type a juré d'avoir votre peau. Je dois vous exfiltrer au plus vite. La police ne vous protégera pas. Vous serez considéré comme suspect, voire complice de ces crimes. Dès qu'il s'agit de terrorisme, on est rapidement retiré du circuit. Les services secrets ont vite fait de vous mettre la main dessus. Ça signifie torture, emprisonnement arbitraire et liquidation. » Je n'étais pas en état de réfléchir. La nuit blanche et l'abus de caféine m'avaient amené au bord de l'hystérie. Je ne désirais qu'une chose, qu'on me sorte de ce guépier au plus vite, à n'importe quel prix. « Qu'est-ce que vous avez prévu ? » ai-je balbutié. « Vous allez mourir, » a murmuré Gary. « Du moins officiellement. Nous allons simuler une mort accidentelle en incendiant le chalet. On retrouvera votre corps dans son lit, entouré d'un flacon de whisky vide, d'un cendrier et d'un briquet. Le scénario sera le suivant. Ivre morte, vous aurez laissé tomber votre cigarette sur la couverture qui se sera enflammée. Ces vieilles baraques en rondins font de formidables bûchers. Personne ne s'en étonnera. Je suis désolée, mais les gens du village vous considèrent comme une alcoolique. Je suppose que vous le savez. Cela accréditera la thèse de l'accident. Je ne piche pas, ai-je ricané nerveusement. Votre plan suppose qu'on découvre un cadavre carbonisé. Vous en avez apporté un ? Oui, a répondu froidement Gary, dans le coffre de ma voiture. J'ai su, à l'expression de ses yeux, qu'il ne déconnait pas. Il m'a expliqué qu'il s'était procuré, grâce à la complicité d'un étudiant en médecine, un corps à la morgue de Genève, celui d'une indigente, sans famille, promise à l'incinération. Le feu en ferait ma sœur jumelle. Je ne sais pourquoi, j'ai cessé instantanément de le croire. Il m'a paru évident qu'il avait tué cette fille le matin même. Sans doute une autostoppeuse, l'une de ces routardes crédules, abreuvées de peace and love, qui voulaient croire de toute leur force en la bonté humaine. Il l'avait cueillie sur le bas-côté d'une route déserte avant de lui fracasser le crâne et de la fourrer dans son coffre. Je ne devais pas oublier que Gary sortait du jardin d'hiver, qu'il avait survécu en devenant un prédateur accompli. Je le soupçonnais de n'avoir d'empathie qu'envers Sawana, sa mère adoptive. J'ai fait semblant de gober le boniment. Soyez tranquille, a-t-il poursuivi, je vais m'occuper de tout. Nous allons attendre la nuit, je récupérerai alors le corps et vous prendrez sa place dans le coffre. Je sais comment déclencher un incendie à retardement. Nous filerons ensuite directement à l'aéroport. Je vous ai pris un billet pour Los Angeles. Je vous ai également apporté un faux passeport. Vous voyagerez sous un nom d'emprunt. Ainsi, personne ne saura que vous avez quitté la Suisse. La tête me tournait, les choses allaient trop vite. Si Russell est dehors, ai-je objecté, il vous a vu entrer. Quelle importance! Il doit penser que je suis l'un de vos nombreux gigolos. Il croira que nous avions prévu de nous voir aujourd'hui et de passer la journée au lit. Ce soir, je vous quitterai pour me rendre, selon toute vraisemblance, chez une autre cliente. Rien d'anormal à cela. Vous êtes connu pour faire une grande consommation de jeunes et faibles. Ma venue n'étonnera personne. On pensera qu'ivre-morte, vous avez basculé dans l'inconscience, une cigarette à la main. La fumée de l'incendie vous a asphyxié, le feu a fait le reste. Le scénario se tient. J'ai compris qu'il me manipulait, que toute cette histoire visait à m'expatrier aux États-Unis. Je commençais même à douter de la présence de Russell. Le sabotage de ma voiture, les coups de feu de ce matin, relevaient d'une mise en scène. Gary s'était donné beaucoup de mal pour me convaincre que Russell voulait ma peau. Et cela pour me livrer pieds et poings liés à Sawana. Je n'ai pas eu le courage de lui crier que je l'avais démasqué. Il me terrifiait. Si je refusais de le suivre, il me tuerait comme il avait tué l'autostoppeuse. Non, je devais feindre de le croire et jouer le jeu. Ma survie en dépendait. La suite s'est déroulée selon son plan, sans la moindre anicroche, et je me suis retrouvée dans un avion en partance pour Los Angeles. Le passeport était un faux de qualité, qui n'avait pas éveillé la méfiance des douaniers. J'étais devenue quelqu'un d'autre, une femme domiciliée à Palm Springs, artiste peintre, célibataire sans enfant. Mais à mes yeux, j'étais surtout la prisonnière et l'esclave d'un couple de fous furieux. Sawana Warlock et son fils adoptif Gary Foxon. Foxon, fils du brouillard. Le patronyme lui convenait tout à fait.